Petit frère, pourquoi veux-tu faire comme moi? Petit frère, la daronne a peur pour toi. Petit frère, s'acharne et se cherche, chevauchant son cheval de fer pour se faire de l'oseille. Petit frère, quand les stars débarquent, c'est la gardave. La seule suite logique, c'est le placard, et tu le sais. Mais tu fais le soldat, t'as bien vu que ton grand frère a pris la peine maximale. L'extase dans ton regard me rend coupable de tes actes. Il faut que tu comprennes que j'ai mal, donc je t'écris cette lettre pleine de sincérité. L'amour de notre mère, c'est pour l'éternité. Sois un homme à vrai qui protège sa famille, et non ce buveur d'alcool qui se défonce à la TC. Petit frère, deviens responsable, surtout garde espoir et ne choisis pas le chemin des armes. Petit frère, si je t'écris cette lettre, c'est pour tes repères. Petit frère, si je t'écris cette lettre, c'est pour tes repères. Je vois certaines personnes qui nous pointent du doigt. Petite sœur, depuis tout ce temps, t'as dû grandir. Un sacré bout de femme à ce qu'on dit. Petite sœur, je suis fier, t'as su rester discrète, loin des vieilles ambiances, des crasseuses de la tête. Petite sœur, ta vertu, c'est mon honneur. Je sais qu'en amour, petite sœur peut faire des erreurs. Ta réussite reste ma seule fierté. Comment dormir avec le sommeil d'un enfant gâté? Difficile pour les autres de pouvoir marcher sur tes rêves. T'as plutôt bravé les échelles que d'accepter l'échec. Je sais pas, mais je sens que parfois tu t'égares. Pense à moi, l'amour que je te porte est sans égal. C'est mon esprit protecteur qui te pèse. C'est notre culture africaine qui nous berce. Dialogue avec ton père, prends exemple sur ta mère. Respecte tes grands frères sans jamais te laisser faire. Petite sœur, si je t'écris cette lettre, c'est pour tes repères. Petite sœur, si je t'écris cette lettre, c'est pour tes repères. Je vois certaines personnes qui me pointent du doigt.